Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuna salimia kila mmoja wenu jina la Bwana Kristo. Tout véritable chrétien ayant une très bonne expérience avec le Seigneur a toujours la joie d'être dans la présence du Seigneur. Pour lui, c'est un grand privilège. Lève-nous pour la prière. L'alpha et l'oméga. Alpha na oméga. Toi, le Seigneur et le Père de tous les esprits. Oui, Bwana na baba wa maro yote. Cet après-midi, nous venons en ta présence. Imangaribi tunakaribia katika upu yako. Parce que dans notre foi, nous croyons de tout notre cœur. Sababu muimani yetu tunaamini na moyo wote. Que tu es notre seule consolation. Ya kwamba wewe ndio faraja yetu pekee. Tu es notre seul bouclier. Wejo ngabo yetu pekee. Et tu es notre unique joie. Na niwe ndio furaha yetu tu moya. Nous pouvons être dans nos salons, nous asseoir dans nos bureaux, manger et boire dans nos tables. Mais dans toutes ces choses, il n'y a pas de vie. Seule ta parole nous donne la vie. Au nom de Jésus-Christ, descends encore ce soir, comme tu le faisais dans les jardins d'Eden. Viens parler à nos cœurs. Avec tous nos fardeaux que nous avons, nous venons les déposer au bas, au bois du calvaire, pour que toi-même tu en prennes soin. Tu connais les besoins de chaque frère, de chaque sœur. Même les frères et les sœurs qui sont en ligne, tu connais les désirs. Réponds Seigneur pour la gloire de ton nom. Merci. Nous te recommandons ce service entre tes mains. Alors que nous commençons avec cette série de questions-réponses, nous ne connaissons rien. Nous n'avons rien. Mais c'est toi qui es toute chose. Viens, Seigneur, répondre aux questions de tes enfants pour que toute ténèbre soit dissipée et que ton peuple avance avec toi dans l'harmonie. Merci pour tout. Bénis la parole qui sera lue. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Dans Jean au chapitre 4, 14. Yakobo sura ya 14. Jean au chapitre 14. Yohano 14. Nous prenons le verset 15. Tunaanzia mstari 15. Verset 16. 16 mstari yake. Et verset 17. Na ata mstari ya 17. Si vous m'aimez, kama mnenipenda, gardez mes commandements. Mchunge maamri yangu. Et moi je prierai le Père. Nami taomba baba. Et il vous donnera un autre consolateur. Na atimpatia mufariji mwingine. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et il ne les connaît point, mais vous Lakini mwei, vous les connaissez, munaijua, car ils demeurent avec vous, sababu, eu pamoja na mwei, et il sera en vous. Na, itakuwa ndani yenu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa Bwana, parole. Aongeze baraka, kusome neno lake. C'est un commandement du Seigneur. Hii ni agizo ya Bwana. Avant que Jésus ne donne la promesse du Père, mbele ya Yesu apate kuleta malaku wa baba, il enseigne à ses disciples et dit, alifundisha mtume wake na kusema, si dans votre cœur vous m'aimez, kama mnenipenda ndani ya mioyo yenu, vous avez de l'affection envers moi, muna mapendo kwangu, gardez mes commandements, mupate kuchunga maamri yangu, gardez ma parole, muchunge neno langu. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu, ule achunge neno la Mungu, n'aime pas le Seigneur. Manake ampende Bwana. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ule achiti kuneno la Mungu, il n'aime pas le Seigneur. Achimupende Bwana. Celui qui ne met pas en pratique toute la parole du Seigneur, ula pende kutumikia neno lote la Mungu, n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ. Nikusema ashimupende Bwana wetu Yesu Kristo. Tout homme et toute femme, mwanamke wote na mwanaume wote, qui croit au mensonge, ule unaamini bongo, qui croit aux fausses doctrines, anaamini mafundisho ya bongo, qui croit aux choses contraires à la parole de Dieu, et kunaamini bitu biko kinyuma na sauti ya Mungu, et qui vit dans le péché, na eko nendelea kuishi mzambi, n'aime pas le Seigneur. Nikusema ashumpende Bwana. Il peut crier comme il veut, anawezi kulalamika vile anataka, il peut chanter, anawezi kuimba, mais aussi longtemps qu'il vit dans le péché, mais lakini wakati yote unaishi mzambi, il croit et il défend les choses contraires à la parole de Dieu, iko naamini na iko nakumania bitu bila kumacha sauti ya Mungu, il est désobéissant aux ordres du Seigneur, ashiti maagizo ya Mungu, il vit en opposition, en rébellion envers notre Dieu, unaishi mukombanisha mutombozi na Mungu wetu, n'a aucun brin d'amour dans son cœur envers le Seigneur. Ule mutu ana mapendo hata kidogo ndani ya moyo wake kwa Bwana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Je prends la première question aujourd'hui. Leo tabeba ulizo wa kwanza. Mais je voulais faire quelques remarques. Nani lakini nipenda kufanya angalisho kidogo. Je ne trouve pas que c'est sérieux pour un frère. Mishona kusema ni mambo tu mzuri kwa nduku, ou une sœur chrétienne, wala dada tu mkristo, d'écrire ces questions sur un petit bout de papier. Kuandika ulizo yake paka papier ka kipande hivi. Bien que la question est importante, atavye ulizo ni ya mafa, par honneur kwa heshima tu kwa Mungu, et par respect envers le Seigneur, na kwa kuheshimia Bwana, on doit faire des choses correctement. Mpasha fanya vitu mzuri mzuri. Quand vous écrivez votre question sur un bout de papier, ce n'est même pas un bout de papier, un petit morceau de papier comme ça, kama unabeba tulizo yako unaandikia paka kipande ya papier, kanchongo ya papier, ça prouve que vous n'êtes pas sérieux dans ce que tu fais. Unaonesha kusema hauna tu wa kunyoloka mbele vitu unafanya. Et vous n'avez pas de la crainte. Naboka hauna naabu. Fais des choses correctement. Fanye bitu mzuri mzuri. Quand vous voulez écrire, wakati unataka kuandika, cherchez un bon papier, tafuta tu papier mzuri ya heshima, et écrivez correctement, andika mzuri, et des choses lisibles, na bitu bile banaweza kusoma. Ça montre le sérieux que vous avez envers le Seigneur. Ikunonesha moyo yote ile kunaika mbitu ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. La question est celle-ci. Ulizoni. Quels sont les signes que quelqu'un a vraiment le véritable Saint-Esprit? Ni maalama kani ile kunaonesha kusema mtu eko na Roho Mtakatifu ya kweli? Si il a reçu sans cessation. Kama alipokea bila mchamuko. Quels sont les signes et ni maalama kani que quelqu'un a vraiment le véritable Saint-Esprit s'il a reçu sans sensation? Ile naonesha kusema huyu mtu yuko na Roho Mtakatifu ya kweli kama alipokea bila kupata mchamuko. En d'autres termes, mukusema kwingine. Donc le frère ou la sœur veut savoir dada wala nduku anapenda ajue quel est le signe évident nasema malama yashipo kulanda que un homme a reçu le véritable Saint-Esprit inaonesha ka ile mtu asema alipata Roho Mtakatifu ya kweli bien qu'il n'a pas eu de sensation lors de cette expérience ata vila shikupate mamuchamuko mwakati alipokea ile onjo. C'est une question fondamentale. I niulizo ya msingi wala maana kabisa. Une question qui est liée directement à notre salut. Ulizo moya inambatana kabisa kabisa na wokovu yetu. Et je comprends que le frère ici qui pose ou la sœur qui pose la question. N'a pas suivi correctement la voie du salut, l'enseignement sur la voie du salut. Nduku wala dada ashikufate muzuri muzuri mafundisho yulu ya njia ya wokovu. Surtout la partie qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Zaidi zaidi ile kipande barihubiri ubatizo ya Roho Mtakatifu. Et il n'avait jamais suivi l'enseignement sur qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Na huyu nduku inaonesha kusema ashiafuata mafundisho yulu ya Roho Mtakatifu ni nini. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Juu ya nini Roho Mtakatifu kutupewa? Comment il faut le recevoir? Naninamna kani na fadhali kupokea Roho Mtakatifu? Et comment reconnaître qu'on l'a reçu? Na namna kani ya kutambua kusema unaisha kupokea Roho Mtakatifu mafundisho? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Comment nous devons le recevoir? Et comment savoir qu'on l'a reçu? Je recommande à la sœur ou au frère de suivre pas à pas l'enseignement sur le plan du salut. La voie du salut. Arudie akafati atua kwa atua ili mafundisho yule ya njia ya wokovu. Et qu'il suive attentivement qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné et comment le recevoir et comment reconnaître qu'on l'a reçu. Naenda kafati muzuri muzuri ile kipande na Roho Mtakatifu ni nini, juani Roho Mtakatifu kiletewa na namna kani kutambua kusema onesha ipokea. Mais à cette préoccupation, nous répondons ceci. Lakini, kwa hiyo ulizo, tunajibu hivi. Prenons Jean chapitre 16. Tupe kitabu ya Yohana sura yake 16. Jean chapitre 16. Yohano sura ya 16. Dans son verset 13. Musara ya 13 pa 15. Quand le consolateur sera venu, wakati mufariji atakuja, l'esprit de vérité, roho ya ukweli, il vous conduira dans toute la vérité. Il est roho itemiongoza katika ukweli yote. Car il ne parlera pas de lui-même. Kwani aitasema njuu ya yenyewe. Atasema ni mtu, roho mtakatifu ni mtu. Le consolateur, c'est un homme. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit est un certain consolateur. Rome takatif kwanja kwanza ni mufariji. Deux, c'est un esprit de vérité. Na ya pili ni roho ya ukweli. Il n'y a pas d'erreur en lui. Ndani yake amuna kosa. Il n'y a pas de mensonge en lui. Ndani yake amuna bongo. C'est un esprit de vérité. Iro ya ukweli. Et quand cet homme vient en vous, na wakati huyu mtu anaingia ndani yenu. Parce que vous tous, vous savez ce qu'il est. Sababu mwebo wote mnayoa kile iko. C'est celui qui a dit, ni ule alisema, je suis le chemin. Mie njonjia. Je suis la vérité. Niko ukweli. Et je suis la vie. Na niko bujima. Le Saint-Esprit, Om takatifu, n'est pas quelqu'un d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Aina mtu mwingine isipokuwa tu Bwana wetu Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, na Yesu Kristo, n'est pas quelqu'un d'autre, ana mtu mwingine, que le Dieu tout-puissant. Isipokuwa Mungu wa uwezo yote. Et quand Jésus-Christ vient en nous, na wakati Yesu Kristo anakuja ndani yetu, sous la forme de l'esprit de vérité, umbo ya roho ya ukweli, il nous conduira dans toute la vérité. Ye atatuongoza katika ukweli yote. Cette petite portion de la parole, hii sehemu kidogo ya neno, est la réponse à cette écriture, njo jibu à cette question. Ulizo. Quand le Saint-Esprit vient, wakati Rome takatif inakuya, en toutes choses, mubitu biote, il vous conduira dans toute la vérité, dans la plénitude de la vérité. Ite miongoza katika utele ya ukweli. Vous aurez un salut réel, utakuya na okovu ya bya kweli. Vous aurez des expériences véritables. Ma onjo utafanya itakuwa ya kweli. À commencer par la parole de vérité que vous écoutez. Kuanzia pa kuneno ya ukweli kunashikia. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Kufika na kubatizwa Roho Mtakatifu. Tout sera la vérité. Yote itakuwa ni ukweli yule wa ukweli ingine. Maintenant quand il habite en vous. Sasa pale inaikala anaikala ndani yenu. Il vit une vie de vérité. Ataanza kuishi maisha sasa ya ukweli. En toutes choses. Mubitu byote. Que ça soit dans les enseignements, et qui comme mafundisho, que ça soit dans la vie, et comme maisha tuyi, que ça soit dans l'exercice de n'importe quel don, et kuwe atamu kutumikisha zawadi yoyote, que ça soit les cinq ministères, ikuye ata mui mauduma tano, que ce soit les neuf dons, voilà, l'esprit, mouile mazawadi tisa yaro, que ce soit dans la nature de l'esprit que vous recevrez, ikuye ata mu alia ilero ripokea, tout sera la vérité. Yote ile itakuwa ni paka ukweli. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a reçu le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit vit en lui, mais il croit au mensonge et il nie la parole de Dieu. Il contredit la Bible. Cela prouve que c'est un faux esprit qui habite en lui. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il vit dans l'incrédulité. Il vit dans le péché. Il vit dans la désobéissance. Il vit dans les abominations. Il marche dans le monde. Il vit comme un mondain. Il aime le monde. Il aime les choses du monde. Cela est faux. Il est ni mambo ya bongo. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Qui sont aux femmes. Dans tous les domaines de sa vie, il sera imprégné et dominé par la vérité. Quand il parle, il parle selon la vérité. Quand il agit, il agit selon la vérité. Voyez bien, mes frères. Parce que l'esprit de vérité habite en lui. L'esprit de vérité le conduit dans la vérité. C'est vrai, frère. Dans la vie de celui qui a reçu le Saint-Esprit, tout est vérité. Mambo yote ni paka kweli. Dans tous les domaines, il révèle la vérité divine. Qu'il soit un enfant, un jeune homme, qu'il soit une femme mariée, une célibataire, un homme marié ou célibataire, qu'elle soit veuve ou qu'il soit veuve, dans toute sa vie, il sera couronné par la vérité. Dans son habillement, il s'habille selon la vérité. Même dans ses défenses, il se défend selon la vérité. Les fausses choses ne sont pas dans sa vie. Il ne courtise pas avec ce qui est faux. La vie des ténèbres n'apparaît pas en lui. Parce que la vérité est une lumière en nous. Il vous conduira dans toute la vérité. Tu ne peux pas seulement être vrai dans la doctrine, mais faux dans la vie que vous menez. Cela est faux. Comme vous ne pouvez pas être vrai dans la vie que vous menez, mais vous croyez de fausses choses, de fausses doctrines contraires à la parole de Dieu. Cela est contraire à l'esprit de vérité. Parce que lui, quand il vient, il nous conduira dans toute la vérité. C'est vrai. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. C'est la réponse à cette question ici. Le Saint-Esprit dans le croyant ne peut jamais glorifier un autre homme en dehors de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne glorifiera jamais autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut jamais glorifier les créatures. Au lieu du Créateur, ne le fera jamais. L'Église est avec moi. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, quand il vient en nous, il nous conduit dans la vérité et il glorifie le Seigneur. Ma vie doit glorifier le Seigneur. Mes paroles doivent glorifier le Seigneur. Mes pensées doivent glorifier le Seigneur. Seigneur. Même dans mes enseignements, dans tout ce que j'ai fait, en tant qu'un homme baptisé du Saint-Esprit, je dois glorifier le Seigneur. C'est vrai, frère. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit, il glorifie les prophètes, il glorifie les enseignants, il glorifie les pasteurs, il glorifie les évangélistes, il glorifie les dons, il glorifie les charges, il glorifie les individus. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est à Rome Takatif. Et ça ne sera jamais le Saint-Esprit. Si vous voyez dans votre esprit, vous voyez dans votre vie, vous aimez beaucoup glorifier Frère Branham. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes un idolâtre. Si vous voyez dans votre vie, vous glorifiez Frère Frank. Parce que Dieu lui a donné un don d'enseignement. Vous êtes un idolâtre. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous voyez dans votre vie, vous glorifiez plus votre pasteur. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes un idolâtre. Si dans votre vie, vous glorifiez tellement un certain évangéliste, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas. Parce que quand lui il vient, il glorifie Jésus-Christ. Si dans votre vie, vous glorifiez l'Église, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce sont des choses, des petites choses, par lesquels nous pouvons connaître que celui-ci a le Saint-Esprit ou il n'en a pas. Quand vous croyez les mensonges ou les fausses doctrines ou des choses contraires à la parole de Dieu qui contredisent la Bible, vous ne glorifiez pas le Seigneur. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Donc c'est très facile. Parce que celui qui a le Saint-Esprit reconnaîtra toujours la parole de vérité, parce que l'Esprit de vérité habite son cœur. Reconnaîtra toujours ce qui vient de la vérité, parce que la vérité habite son cœur. Très simple. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il reconnaît la vérité de la parole. Parce que cette parole-là vient de la vérité. C'est une portion de la vérité. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Na atemitangazia. Le Saint-Esprit, oh, takatifu, c'est Jésus-Christ. Yesu Christu. Dans le croyant. Ndani ya mwaminifu. Et quand Jésus est en vous, na wakati Yesu anekana ndani yenu, il reconnaîtra la vérité que lui-même a consignée dans les pas de la Bible. Dans sa vie, dans la vie de celui qui a le Saint-Esprit, il est plein, des vertus de la parole de Dieu. Les vertus. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Bantu ba mingi, beaucoup de gens, bekonaro mtakatifu ya bongo, ils ont un faux Saint-Esprit. Bupole anaro mtakatifu, la douceur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Bantu ba mingi bekona bupole bwa nsari. Il y a d'autres personnes qui a la douceur de miel. Et un méchant dans son cœur. Mais quand vous lui approchez, vous lui regardez de visage, c'est un monsieur très doux. Savoir parler, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans ce qui concerne, il faut parler correctement. Non, bien aimé frère. Le Saint-Esprit vit sa propre parole. Il y a la vérité en lui. Dans Jean chapitre 15, quand le Consolateur sera venu, Jean chapitre 15 verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi, dès le commencement. C'est lui qui a entendu, est reconnu, la parole de vérité dès le commencement, la vérité le conduira dans toutes ses expériences jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Mais lorsque cette question fut posée à Frère Branham, Frère Branham a répondu comme ça. Il a dit ceci. Il dit que c'est très difficile Quels sont les signes évidents du baptême du Saint-Esprit? Parce qu'il y en a plusieurs. Dans question-réponse, du 3 janvier 1954, question 12, Ulizo ya Kuminambiri, paragraphe 153. J'ai lu la question qui a été posée à Frère Branham. Frère Branham, je veux connaître à partir de quoi mitajua kupitia nini. Je peux dire avec certitude, ile minaweza kusema na hakikisho yote, Cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il fait ceci, ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle fait cela. Vous voyez, c'est sur quoi? Yakusema ou le frère a ou sœur, je peux reconnaître que ce frère ou la sœur a le Saint-Esprit authentique parce qu'il fait ça. Il fait ça. Et Fabana me répond, il n'y a aucun moyen au monde pour vous de connaître cela. C'est vrai. Il n'y a aucun moyen au monde pour vous de connaître cela. C'est Dieu qui est le juge. Nous, n'avons pas à juger. Vous voyez. Prêchez simplement l'évangile et vivez. Na ishi. Vous voyez. Unaona. Pourquoi Fabana me dit ceci? Dieu a nini ndugu Branham alijibu hivi. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit. Mutu anezikuwa na Roho Mtakatifu. Mais il commet une erreur. Mais anafanya nkosa. Si vous jugez un homme à partir de l'erreur qu'il a faite, sasa we kama unamhukumu kupitia tu ile nkosa uliona anafanya, donc il se repent automatiquement. Na anenda kutubu. Aussitôt qu'il reconnaît qu'il a mal agi, pale tu atatambua kusema hapa nilitenda mbaya. Pour être clair, Dieu ni kwa wazi. Un homme qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il commet l'erreur, même si son erreur est connue de tout le monde, aussitôt il va reconnaître qu'il a commis l'erreur, il va rapidement en urgence aller arranger ses problèmes et retourner dans la marche correctement avec Dieu. Mais regarde maintenant quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Il va s'accrocher à l'erreur de cet homme-là. Sans savoir que ce dernier a déjà arrangé la chose avec Dieu. Il le juge sur base de ce qu'il a fait. Il le juge sur base de ce qu'il a fait. Mais il me connaît ce que cet homme-là a déjà fait avec le Seigneur. Il ne sait pas que cet homme-là a déjà arrangé cette chose avec le Seigneur. Parce un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas supporter le péché en lui, ne peut pas demeurer dans le péché longtemps. Hawezi kuvumilia kubakia wakati mrefu muzambi. Même quand il blanche, hata kama anakotola na kuala, il se relève. Eko na lamuka mbio mbio. Et il marche correctement. Na anendelea kutembea mzuri. Et le charnel, na batu wa kimwili, il reste dans l'histoire. Ye anabakia muarishi. Parce que son péché est dans le passé. Sababu ile zambi ule mtu shabakia muarishi. Maintenant sa vie est actualisée. Sasa maisha yake washajifanya na kwa. Il a déjà réparé avec le Seigneur. Sababu yeye ashakutengeneza na Mungu wake. Me dire ici, donc, attention, ne jugez pas les gens parce que le seul juge c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas moyen, parce que toi tu peux t'accrocher. Et beaucoup de gens font des erreurs. Quelles sont les erreurs qu'ils font? Ils jugent les gens selon les enseignements qu'ils ont reçus dans leur dénomination. Mais un bon jugement, c'est un jugement de la parole. Voyez bien mes frères. C'est un jugement de la parole. Pas un jugement qui est basé sur les enseignements humains. Vous voyez bien mes frères. Il y a des dénominations qui disent celui-ci a le Saint-Esprit parce qu'il a parlé en langue. Cela est faux. Des démons parlent en langue. Ma démon na sima muluga. Et pourtant ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ja po bana aina na hope takatif. Quelqu'un peut dire. Mutu anaweza kusema. Si quelqu'un prophétise. Na mutu anatabiri. Il a le Saint-Esprit. Na hope takatif. C'est un mensonge. Ngongo. Parce que des démons prophétisent. Sababu ma démon na na tabiriaka. C'est parce qu'il avait vu une vision. Même les démons voient les visions. Il avait prié sur un malade. Et le malade était guéri. Même les Judas prient sur le malade. Et les malades sont guéris. Ce n'est pas ça l'évidence. Vous voyez bien les mes frères. Vous voyez bien les mes soeurs. Prêcher simplement l'évangile. Oui, obiri tu injili. Et vivez. Naishi. C'est vrai. Yakweli. Et il continue dans la même question. Mwile ulizo mwa ndukubana manendele. Dans son paragraphe 168-165. Paragraphe 166. Il dit ceci. L'évident du Saint-Esprit, c'est plutôt le fait d'accepter la personne de Jésus-Christ. Mutu Jésus Christ. Alors, d'autres choses viendront s'y ajouter ça, ça, et s'accorder ensemble. Na kwambata na pamoja. Et il ne faut pas oublier Mushisabu. Dans cette église ici, du haut de cette chair, je vous ai déjà instruit. Ce que signifie croire, accepter ce croire. Mana ya kuamini, kuitika ni kuamini. Croire. Kuamini. C'est un acte du Saint-Esprit. Nitendo ya Roho. Venant dans le cœur d'un homme. Ile natokea ndani ya roho ya mtu. Vous voyez. Unaona. Quand quelqu'un reçoit en lui. Kama mtu ndani yake anapokea. La personne de Jésus-Christ. Uyu mtu Yesu Kristo. Maintenant beaucoup de choses peuvent venir accompagner Jésus. Sasa bitu ya mingi binaweza kuya sasa joka kushindikiza Yesu. C'est ce que nous allons essayer un peu de montrer. Je ne peux pas terminer cette question aujourd'hui. Aine ulizo mtemaliza leo. Ces choses là qui accompagnent le Seigneur Jésus. Bile bitu vinakaramu kushindikiza Yesu. Lorsqu'il vient en vous. Wakati anakuwa ndani yenu. Vous voyez. Unaona. Regardez. Mwangari. Si ce matin ou ce soir, chaque membre de ce corps, ce petit groupe de gens, si nous pouvons baisser les rideaux de l'autre côté et que chaque personne ici reçoive la personne de Jésus-Christ, il n'y aura plus jamais des histoires. Et il n'y aura plus jamais de disputes. Il n'y aura que l'amour parfait. Comprenez-vous cela? Si chacun de nous ce soir reçoit la personne de Jésus-Christ, il est bien tout bien, tout bien, tout bien. Tout ce show de banalité, ça va disparaître au milieu de nous. Maïcha ya fujo, la vie des désordres, la vie des disputes, ça va disparaître au milieu de nous. Vous voyez. Et il n'y aura que l'amour parfait. Na kutakuya tu ni paka mapendo kamilifu. Et pourtant, Jab. Vous croyez toujours ceci. Et vous croirez toujours cela. Mais il y aura tellement d'amour. Vous allez croire beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous allez croire beaucoup de choses. Qu'enseigne la parole de Dieu. Vous voyez. Mais en dehors de toutes ces croyances-là, de la parole de vérité, mais l'amour sera au-dessus de tout. Vous voyez. C'est ça. Joy. Or Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit vient habiter le cœur d'un homme, ses fruits se révèlent en lui. Maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse. Que je connaisse. Pour savoir qu'un homme est un chrétien. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. Il est kazi ya nafsi. Vous voyez? Non. Ce qui est plus proche. Il est kukaribu sana. De l'évidence du Saint-Esprit qui nous permet de savoir ou de connaître qu'on a reçu le véritable Saint-Esprit, c'est le travail de l'âme. Nous allons expliquer cela. La personne est toujours si affamée eko na njala kila wakati. Et si assoiffé de Dieu. Na eko na kiu zaidi kila wakati. Il est simplement affamé et assoiffé de Dieu. Umutu eko kila wakati na njala na kiu ya Mungu. Jour et nuit. Usiku na mchana. Il ne peut pas supporter. Umutu ashezi kuvumilia. Il doit faire quelque chose pour Dieu. Ona tafuta paka fanya kitu kimoja kwa Mungu. Il est rempli d'amour. Anaisha kujaa na mapendo. Et cette personne là est juste. Na umutu kwa kunyoroka. Voyez. Unaona? Son travail d'âme. Kazi ya nafsi yake. Donc son âme travaille. Nafsi yake inaingia mukazi kunatumika. En faisant que travailler tout le temps. Mukutumika kila wakati. Et la Bible dit. La Bible asema. Dans Psaume 126 verset 6. Mzaburi 126 mstari wa 6. Celui qui marche en semant avec des avec des larmes. Uleko na panda na machozi. Revient sans doute avec allégresse. Anarudiaka na mimbo ya shangwe. Quand il porte ses précieuses gerbes. Wakati ana pata mavuno yake ya mzuri. Est-ce que c'est vrai? Eti ya kweli. Amen. Vous voyez? Amen. La chose la plus proche. Kitu kya karibu sana. C'est une âme affamé et assoiffé. Ni nafsi ile kukila wakati na njana na kiu ya Mungu. Assoiffé du véritable Dieu. Kiu ya kupata Mungu wa kweli. Assoiffé de la véritable parole. Kiu ya neno ya kweli. Assoiffé de la véritable vie. Kiu ya maisha ya kunyoroka ya kweli. Assoiffé. Kiu de tout ce qui est vrai. Ju ya bitu byote bya kweli. De tout ce qui est réel. Ya bitu byote byenye kwa bya ukweli. Il veut. Ona penda. Que la vérité reçue. Ukweli la lipokea. Se matérialise en lui. Ipate kuonekana ndani yake. Eko na kiu. D'être un véritable chrétien vertueux. Apate kuya mukristo bya kweli wa utawa. Et est assoiffé. Na mwile kiu. Et affamé de Dieu. Il est tout le temps au travail. Kila wakati ule mtu. Son âme n'est pas au repos. Son âme cherche Dieu à tout moment. Mon âme a soif de Dieu. Et mon âme a soif du Dieu vivant. Un Dieu qui vivifie ma propre vie. Oui, bien-aimé frère et soeur. Il est tout le temps au travail. Et qu'on a tomika. C'est un travailleur. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de service. C'est ce que nous avons enseigné dans la voie du salut. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour travailler. Il est au service de Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il n'est pas au repos. Son âme se repose en ce qui concerne le péché. Mais son âme est en activité en ce qui concerne les affaires de Dieu. Kuishi sauti ya Mungu aina bujito kwake. Ce n'est plus pénible pour lui. Kuya ku kanisa aina bujito kwake. Ce n'est plus pénible encore pour lui. Kuomba aina bujito kwake. Ce n'est plus encore un fardeau pour lui. Ce n'est pas des fardeaux encore. Kusema ukweli parler de la vérité aina bujito kwake. Ce n'est plus lourd encore pour lui. C'est vrai frère, il travaille. Se repentir, ce n'est plus compliqué pour lui encore. Il travaille. Il doit travailler pour sa sainteté, sa sanctification. Parce que le Saint-Esprit lui dit, sans la sanctification, vous ne verrez le Seigneur. Et il doit travailler parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Comme mon âme a été sauvée et qu'il a été rempli du Saint-Esprit, elle doit travailler pour voir le Seigneur. L'âme est au travail. C'est vrai, frère. Cette âme-là aime les frères. Cette âme-là aime les sœurs. Cette âme-là s'abstient de tout ce qui est contraire à la vie de Christ. Cette âme-là s'empêche de critiquer. Cette âme-là s'empêche d'haïr, de calomnier, de dire des mensonges sur les gens. C'est vrai, frère. C'est une âme au travail. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui habite le croyant doit glorifier le Seigneur. C'est vrai, frère. Il chante avec joie. Il écoute la parole avec joie. Pourquoi? Car le Saint-Esprit dans le cœur d'une personne, le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Et quand le Saint-Esprit écoute la parole, il est toujours joyeux. C'est vrai, frère. C'est une âme au travail. Oui, bien-aimé frère. L'âme est vraiment assoiffée avec des choses de Dieu. Dans votre âme. Aina nanjala, votre âme ne n'a pas soif. Na kiu ya Mungu. Et faim de Dieu. Ya neno la Mungu, et la parole de Dieu. C'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je ne crois pas. Misha amini ataki doko. Qu'un homme peut avoir le Saint-Esprit. Ya kwamba mtu kuna roho mtakatifu. Il fait une semaine. Eko nafanya juma mujima. Sans raison. Sans venir écouter la parole. Bila yeko akushika sauti ya Mungu. Bongo. C'est faux. Je ne crois pas. Je mishamini. Qu'un homme qui a reçu le Saint-Esprit. Muntu la sak pokia roho mtakatifu. Peut faire une semaine, deux jours. Il peut faire deux jours. Même une journée sans prier. Voilà, shikutu mujima bila ye kuomba. Bia bongo. C'est mensonge. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas supporter Atakura Bukari Bila Kuomba Mungu sans prier. Unalamuka ombe Mungu. Tu te réveilles sans prier. Unalamukia mansani. Vous réveillez. Unalamukia kufula manguo. Vous réveillez. Kisha kuna roho mtakatifu. Et puis tu te dis que tu as le Saint-Esprit. Nalanda. C'est faux, mensonge. Ukona roho mtakatifu unalamuka. Tu as le Saint-Esprit. Unavola paka mansuku tu ya mukaji. Tu prends ce matin. Te voilà au service. Bia bongo sana. Mensonge. Tu mens. Unalanda. Tu l'as pas. Auna na roho mtakatifu. Les signes Malama. Qui prouvent que quelqu'un a le Saint-Esprit, son âme Nafsiyake est toujours au travail. Kila wakati komukaji. Et dans son âme, dans son cœur, il a une soif profonde de la parole, ya kushikia neno, des choses de Dieu, ya vitu ya Mungu. Il aime la parole profondément. Anapenda neno. Il aime les frères profondément. Et anapenda mandugu na roho yote. Il aime les sœurs profondément. Anapenda badala na roho yake yote. C'est vrai, frère. Il n'est pas superficiel. Ana mtu wa yulu. Dans ce qu'il accomplit. Dans ce qu'il accomplit. Dans la parole de Dieu. Neno la Mungu. Non. Hapana. Même quand il chante. Ataka na kona imba. Il chante. Et on a imba. Avec profondeur. Na upana. Il ne chante pas pour les gens. Parce qu'il glorifie le Seigneur. Quand le Saint-Esprit viendra, il le glorifiera. Même dans nos cantiques, le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'âme qui travaille. Ça, ça va moyen, on est jangaria déjà. Mais toi-même, tu dois t'examiner. Déjà, tu n'as pas qui parle de Dieu, tu n'as la partie de la réponse que nous avons donnée. Si tu as le Saint-Esprit ou pas. Rome t'a dit, il y a qui critique ma frère. Le Saint-Esprit qui critique ma soeur. Rome t'a dit, il y a qui critique ma soeur. Rome t'a dit, il y a qui critique ma soeur. Rome t'a dit, il y a qui critique ma soeur. Il y a qui critique ma soeur. Non. Ça n'existe pas. Aïkala Keko. Que Dieu vous bénisse. Je suspends, je vais continuer. C'est une question très importante. Le travail de l'âme. Ça, ça engage depuis le patakarum takatifu. Mais regarde maintenant, depuis que tu avais reçu ton Saint-Esprit là. Ça, c'est Nikaji Kani Unafuanyak. Quel est ton travail? Nikaji Kani Unafuanyak. Quel est le travail que tu fais? Nikaji Yanani Unatumikaka. C'est au service de qui tu es? Où on a foi la cage Kani? Où on a foi la cage Yanani? Et tu es au service de qui? Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il est tout le temps aux affaires du Père. Il a wakati eko mukazi ya baba. C'est vrai, frère. Nous allons continuer à partir d'ici. C'est bien. Le travail de l'âme. Kazi ya nafsi. On est tellement assoiffé de Dieu. Muto kuna kiusana ya Mungu. On est assoiffé de la parole. Kuna kiusana sauti ya Mungu. On est assoiffé de la vie de Christ. Kiusana na maisha ya Kristo. On travaille. Matumika. Alors vous travaillez à votre salut. Matumika koko vienu. Avec crainte et tremblement. C'est le Saint-Esprit qui travaille en vous. Takatifu ya matumika ndani yenu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Donc, kama nafsi yako ina kukaji ya Mungu, si ton âme n'est pas au service de Dieu, aina na auna na njala, vous n'avez pas faim, auna kiu ya Mungu, vous n'avez pas soif de Dieu, auna na roho mtakatifu, ça prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Uko muvivu mbintu ya Mungu, tu es paresseux au chaud de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amutukuze Mungu. Là, tu ne glorifies pas Dieu. Lève-nous pour la prière. Père céleste, Baba, Aliyejo Mbinguni. Nous te disons merci. Tunasema asante kabisa. Pour cette portion de la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Juu ya isemu ya neno tunapokea leo. Nous comprenons. Tunaelewa. que l'esprit de vérité en nous ya kwamba roho ya ukweli ndani yetu nous conduira toujours dans la vérité itetuongoza paka tu katika ukweli en toute chose katika kitu kyote. Nous comprenons encore aujourd'hui que le Saint-Esprit en nous, comme l'Esprit de vérité, glorifiera toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons, Seigneur, que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, son âme est tellement assoiffée et affamée de Dieu vivant. Nous comprenons, Seigneur, que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, son âme est au travail. Amen. Seigneur, je merci. Aide chaque frère. Aide chaque soeur. Aide-moi aussi à être à ton service. Merci Seigneur. Nous comprenons que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a un cœur plein d'affection, plein d'amour pour la parole de vérité. Nous comprenons que celui qui a reçu le Saint-Esprit aime les frères, aime les sœurs. Il est au service de Dieu, il est au service de l'Église. Aide-nous, Seigneur, à avoir de véritables expériences. Bénis ton peuple. Bénis ta parole en nous. Crée ta propre vie en nous. Parce que ta parole est créatrice. Merci. Notre Seigneur. Alors que nous voulons partir, bénis chaque cœur. Que cette parole que nous avons reçue soit une méditation pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui a compris? Nani ulanaelewa? Merci.